Rêve de Guy de Maupassant, publié pour la première fois le 8 juillet 1882 dans la revue Gil Blas. Lecture en livre audio en 2017 par Stefano Francobora alias Chagans pour la diffusion et le libre partage des cultures du monde. C'était après un dîner d'amis, de vieux amis, ils étaient cinq. Un écrivain, un médecin et trois célibataires riches, sans profession. On avait parlé de tout et une lassitude arrivait, cette lassitude qui précède les départs après les fêtes. Un des convives qui regardait depuis 5 minutes, sans parler, le boulevard houleux étoilé de becs de gaz et bruissant, dit tout à coup « Quand on ne fait rien du matin au soir, les jours sont longs. » Et les nuits aussi, ajouta son voisin. Je ne dors guère, les plaisirs me fatiguent, les conversations ne varient pas. Jamais je ne rencontre une idée nouvelle et j'éprouve, avant de causer avec n'importe qui, un furieux désir de ne rien dire et de ne rien entendre. Je ne sais que faire de mes soirées. Et le troisième désœuvré proclama « Je paierai bien cher un moyen de passer chaque jour seulement 2 heures agréables. » Alors l'écrivain, qui venait de jeter son pardessus sur son bras, s'approcha. L'homme, dit-il, qui découvrirait un vice nouveau et l'offrirait à ses semblables, dût-il abréger de moitié leur vie, rendrait un plus grand service à l'humanité que celui qui trouverait le moyen d'assurer l'éternelle santé et l'éternelle jeunesse. Le médecin se mit à rire, et tout en mâchonnant un cigare, « Oui, mais ça ne se découvre pas comme ça. On a pourtant rudement cherché et travaillé la matière depuis que le monde existe. Les premiers hommes sont arrivés d'un coup à la perfection dans ce genre. Nous les égalons à peine. » Un des trois désœuvrés murmura « C'est dommage. » Puis au bout d'une minute, il ajouta « Si on pouvait seulement dormir, bien dormir sans avoir ni chaud ni froid, dormir avec cet anéantissement des soirs de grande fatigue, dormir sans rêve. » « Pourquoi sans rêve ?» demanda le voisin. L'autre reprit, « Parce que les rêves ne sont pas toujours agréables, et que toujours ils sont bizarres, invraisemblables, décousus, et que dormant, nous ne pouvons même savourer les meilleurs à notre gré. Il faut rêver, éveiller. » « Qui vous en empêche ?» interrogea l'écrivain. Le médecin jeta son cigare. « Mon cher, pour rêver, éveiller, il faut une grande puissance et un grand travail de volonté. » Et partant, une grande fatigue en résulte. Or, le vrai rêve, cette promenade de notre pensée à travers des visions charmantes, est assurément ce qu'il y a de plus délicieux au monde. Mais il faut qu'il vienne naturellement, qu'il ne soit pas péniblement provoqué et qu'il soit accompagné d'un bien-être absolu du corps. Ce rêve-là, je peux vous l'offrir, à condition que vous me promettez de ne pas en abuser. L'écrivain haussa les épaules. « Ah oui, je sais, le haschich, l'opium, la confiture verte, les paradis artificiels, j'ai lu Baudelaire et j'ai même goûté la fameuse drogue qui m'a rendu fort malade. » Mais le médecin s'était assis. « Non, l'éther, rien que l'éther, et j'ajoute que vous autres, hommes de lettres, vous en devriez user quelquefois. » Les trois hommes riches s'approchèrent, l'un demanda « Expliquez-nous-en donc les effets. » Et le médecin reprit. « Mettons de côté les grands mots, n'est-ce pas? Je ne parle pas médecine ni morale, je parle plaisir. Vous vous livrez tous les jours à des excès qui dévorent vos vies. Je veux vous indiquer une sensation nouvelle, possible seulement pour hommes intelligents, disons même très intelligents, dangereuse comme tout ce qui surexcite nos organes, mais exquise. J'ajoute qu'il vous faudra une certaine préparation, c'est-à-dire une certaine habitude pour ressentir dans toute leur plénitude les singuliers effets de l'éther. Ils sont différents des effets du haschich, des effets de l'opium et de la morphine, et ils cessent aussitôt que s'interrompt l'absorption du médicament, tandis que les autres producteurs de rêverie continuent leur action pendant des heures. Je vais tâcher maintenant d'analyser le plus nettement possible ce qu'on ressent. Mais la chose n'est pas facile, tant sont délicates, presque insaisissables, ces sensations. C'est atteint de névralgie violente que j'ai usé de ce remède, dont j'ai peut-être un peu abusé depuis. J'avais dans la tête et dans le cou de vives douleurs et une insupportable chaleur de la peau, une inquiétude de fièvre. Je pris un grand flacon d'éther et m'étant couché, je me mis à l'aspirer, lentement. Au bout de quelques minutes, je crus entendre un murmure vague qui devint bientôt une espèce de bourdonnement. Et il me semblait que tout l'intérieur de mon corps devenait léger, léger comme l'air, qu'il se vaporisait. Puis ce fut une sorte de torpeur de l'âme, de bien-être somnolent, malgré les douleurs qui persistaient mais qui cessaient cependant d'être pénibles. C'était une de ces souffrances qu'on consent à supporter, et non plus ces déchirements affreux contre lesquels notre corps torturé proteste. Bientôt, l'étrange et charmante sensation de vide que j'avais dans la poitrine s'étendit, gagna les membres qui devinrent à leur tour légers, légers comme si la chair et les os se fussent fondus et que la peau seule fût restée, la peau nécessaire pour me faire percevoir la douceur de vivre, d'être couché dans ce bien-être. Je m'aperçus alors que je ne souffrais plus. La douleur s'en était allée, fondue aussi, évaporée. Et j'entendis des voix, quatre voix, deux dialogues sans rien comprendre des paroles. Tantôt ce n'était que des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait. Mais je reconnus que c'était là simplement les bourdonnements accentués de mes oreilles. Je ne dormais pas, je veillais, je comprenais, je sentais, je raisonnais avec une netteté, une profondeur, une puissance extraordinaire. Et une joie d'esprit, une ivresse étrange venue de ce décuplement de mes facultés mentales. Ce n'était pas du rêve comme avec le hashish, ce n'était pas les visions un peu maladives de l'opium, c'était une acuité prodigieuse de raisonnement. Une nouvelle manière de voir, de juger, d'apprécier les choses de la vie et avec la certitude, la conscience absolue que cette manière était la vraie. Et la vieille image de l'écriture m'est revenue soudain à la pensée. Il me semblait que j'avais goûté à l'arbre de science, que tous les mystères se dévoilaient tant je me trouvais sous l'emprise d'une logique nouvelle, étrange, irréfutable. Et des arguments, des raisonnements, des preuves me venaient en foule, traversés immédiatement par une preuve, un raisonnement, un argument plus fort. Ma tête était devenue le champ de lutte des idées. J'étais un être supérieur, armé d'une intelligence invincible, et je goûtais une jouissance prodigieuse à la constatation de ma puissance. Cela dura longtemps, longtemps. Je respirais toujours l'orifice de mon flacon d'éther. Soudain, je m'aperçus qu'il était vide, et j'en ressentis un effroyable chagrin. Les quatre hommes demandèrent ensemble. « Docteur, vite, une ordonnance pour un litre d'éther !» Mais le médecin mit son chapeau et répondit. « Quant à ça, non. Allez vous faire empoisonner par d'autres. » Et il sortit. Mesdames et messieurs, si le cœur vous en dit,